Chapitre 3e. Le romancier réaliste. Balzac se trompait cruellement et prenait une fantaisie pour une inspiration quand il se laissait aller ainsi aux écarts ou au prestige de l'imagination romanesque. Le fond de sa complexion consistait à regarder passionnément et à voir exactement le réel. On l'a comparé à Saint-Simon, et l'on a eu raison. Comme Saint-Simon, il a une curiosité toujours en éveil et à l'affût. Comme Saint-Simon, il assène ses regards sur tout ce qui l'entoure et a sans cesse la promptitude des yeux à voler partout en sondant les âmes. Comme Saint-Simon, il est, pour me servir du mot de Sainte-Beuve, curieux comme Froissart et pénétrant comme la Bruyère. Il voit d'abord les choses inanimées, il les voit minutieusement et profondément, regardant une maison de Paris ou de province, avec la passion d'un archéologue pour un monument figuré d'Éleusis. Pour notre goût même, il les voit trop, en est trop fortement et trop longtemps obsédé. On a trop répété qu'en profond philosophe, il n'étudiait les entours, comme dit Montaigne, les alentours et la vie de l'homme, que pour mieux expliquer sa nature, comme on étudie l'effet dans sa cause. La vérité est qu'il aime les choses, dans tout le détail de leur physionomie, et s'attarde à les décrire parce qu'il s'y amuse infiniment. Je ne songe pas à m'en plaindre, car je sais bien qu'avec lui, c'est le moment où l'intrigue commence qui marque souvent la fin de mon plaisir, et que ces énormes substructions sont parfois ce qui restera de son monument, ailleurs assez fragile. Il la saisit si bien, cette physionomie des choses. Quelquefois, et c'est alors seulement qu'il faut se plaindre, le détail est trop infini pour que la vue même de l'objet n'en soit pas un peu brouillée. Mais le plus souvent, et les grandes lignes sont bien tracées, et les menues observations sont d'une vérité qui grave à tout jamais l'objet dans l'esprit. Un seul exemple, appartement de médecin pauvre. Le salon où les consultants attendaient était mesquinement meublé de ce canapé vulgaire, en acajou, garni de velours d'Utrecht jaune à fleurs, de 4 fauteuils, de 6 chaises, d'une console et d'une table à thé. La pendule, toujours sous son globe de verre, entre 2 candélabres égyptiens, figurait une lyre. On se demandait par quel procédé les rideaux pendus aux fenêtres avaient pu subsister si longtemps, car ils étaient en calicot jaune imprimé de rosaces rouges de la fabrique de Jouy. L'antichambre servait de salle à manger. On devinait dès l'entrée la misère décente qui régnait dans cet appartement désert pendant la moitié de la journée, en apercevant les petits rideaux de mousseline rouge à la croisée de cette pièce donnant sur la cour. Les placards devaient recéler les restes de pâté moisi, des assiettes écornées, des bouchons éternels, des serviettes d'une semaine. C'est ainsi qu'il faut voir pour donner à une histoire sa solidité, son fond ferme, arrêter et retenir le lecteur dans l'illusion du réel. Balzac voit avec la même passion et aussi bien le détail des habitudes que donnent aux hommes leur profession, leurs origines, leur éducation, leurs relations. Il sait la manie caractéristique et comme le pli qu'un homme a pris peu à peu dans son atelier, son bureau, son greffe, sa boutique, et qu'il a gardé ineffaçable. Il sait les secrets rapports qui unissent notre corps à notre âme, nos mouvements à nos instincts, nos allures à nos préoccupations habituelles, nos gestes familiers à nos pensées accoutumées. Il ne faut rien moins pour peindre des hommes véritables, et il a ce talent plus que personne dans notre littérature. J'entends pour les gens de basse ou de moyenne classe, ceux qui sont comme plus voisins des choses, et qui semblent plus que les autres être façonnés par elles. Car il a un peu peint les hommes avec le talent qu'il avait à peindre les objets. Pour les hommes des classes supérieures, qui eux aussi, certes, reçoivent l'empreinte du monde où ils vivent et de la série de phénomènes où ils sont engagés, mais qui sont modifiés par des influences plus multiples, des pressions plus diverses, effets de causes plus complexes. Il est bien certain que sa méthode serait bonne encore, mais que son information est trop restreinte, sa vue trop courte, ou son induction trop hasardeuse. Reste à son avoir, et comme son bien propre, tout le monde populaire et bourgeois, qu'il a admirablement connu et fait voir. Ses marchands, ses gens de justice, ses étudiants, ses rentiers, ses petits propriétaires, ses portiers, ses commis voyageurs, ses journalistes, ses petits artistes, les grands sont moins bien vus, ses comédiens et comédiennes, ses gens de province, bourgeois, demi-bourgeois, hobereaux, sont excellents, dignes d'être étudiés par la postérité, et forment le tableau le plus vrai et le plus vif d'une société qui est parue depuis la Bruyère. Il est capable, et c'est un prodige, d'intéresser pendant le cours de deux gros volumes, sans intrigue, à proprement parler, et sans incident, par la seule accumulation de détails vrais et curieux sur un certain monde, celui des journalistes vers 1825, les illusions perdues. C'est tout à fait l'art de Le Sage, moins son style, et encore Le Sage un peu pour grossir ses volumes et leurs produits, un peu pour amener à son livre, toutes les 50 pages, les amateurs de romans romanesques, insérait de temps en temps et juste à point dans son tableau de mœurs une aventure extraordinaire et espagnole d'enlèvement et de coups d'épée. La façon dont Balzac voit les relations de ces créatures entre elles et les mœurs de la société qu'il nous présente n'est pas moins curieuse que sa manière de voir les choses elles-mêmes et les hommes. Elle est très originale et, sauf exception, assez vraie. Je ne crois pas être en contradiction ici avec ce que j'ai dit de sa psychologie restreinte et bornée. Je pense en effet que c'est une vue courte que de s'être présenté les hommes comme uniquement animés par des instincts, des appétits et des intérêts. Mais remarquez que quand on considère les hommes, non pas précisément en eux-mêmes, mais dans leur relation entre eux, c'est un peu comme cela qu'on est amené à les voir. À regarder la vie en son ensemble, c'est surtout le combat pour la vie qu'on aperçoit. Nous ne sommes, au fond, ni tout bons, ni tout mauvais, mais nous paraissons tous plus mauvais dans nos actes que nous ne le sommes dans nos cœurs. Seuls avec nous-mêmes, ou dans le cercle de notre foyer, nous n'aspirons en général qu'au bien. Sortis de chez nous, le conflit des intérêts nous emporte et nous heurte les uns contre les autres, et excite et fouette en nous tous les instincts de lutte que nous sentons maintenant nécessaires pour nous faire notre place sur ce chemin étroit de l'ambition dont parle Lucrèce. Ces instincts, nous ne demanderions pas mieux que de les laisser dormir, mais ils se réveillent à la vue du concurrent qui lui-même sent les siens réveillés par notre présence. Tout romancier qui peint la société est donc très porté à voir l'homme sous ses plus mauvais aspects. Or, et c'est un mérite littéraire, Balzac a le goût du roman social, beaucoup plus que du roman intime, et c'est l'homme, engagé dans les grandes masses mouvantes de la société qui l'entoure, qu'il aime à considérer et à suivre. De là, autant que de sa philosophie personnelle, son habitude de peindre l'homme surtout par ses méchants côtés, et en tenant compte des réserves qui précèdent, on peut dire que le regard général jeté par Balzac sur le monde révèle de bons yeux. Il y a vu d'abord, comme on l'a dit, un universel assaut à la conquête de la fortune, une furieuse soif d'or. Cela est vrai, mais cela ne le distinguerait guère de ses prédécesseurs, et La Bruyère en a aperçu tout autant. Ce que Balzac a bien distingué, ce sont les conditions nouvelles de l'ambition dans la société moderne. Sous l'Ancien Régime, les grâces étant réservées à une seule classe privilégiée, la lutte pour la faveur était circonscrite. Dans la société moderne, elle est étendue à toute la nation. Dans un État resté centralisé et devenu démocratique, le pays tout entier devient ce qu'était la cour de Versailles quand Figaro disait à Almaviva « Vous vous êtes donné la peine de naître ». Almaviva aurait dû répondre « Plaignez-vous donc ». Un temps vient où il faudra vous donner la peine d'être aussi intrigant que nous. » Balzac a vu cela admirablement, et c'est une des choses qui donnent à son œuvre sa cohésion, sa réalité et sa vie. L'importance des relations, le fameux « qui connaissez-vous » auquel il n'est homme du XIXe siècle qui ne soit habitué et qui a remplacé le « de quelle maison » d'autrefois, la préoccupation constante d'amitié à se ménager ou à ménager, d'influence à faire agir, de recommandations à arracher, se retrouve à toutes les pages de cette œuvre. Balzac ne nomme pas un commis greffier sans indiquer qu'il est apparenté au Camusot, ni un juge de paix sans s'être assuré qu'il est allié de loin au grand lieu. Il y a des négociations pour les mariages, d'infinies diplomaties pour les héritages, des guerres des deux roses avec alliances, conventions, partages, trêves, traités pour une série d'avancements. La vie moderne est bien là, non tout entière, et je me suis expliqué là-dessus, mais vrai, observée d'une manière originale et nouvelle, dans l'unité de son principal ressort, dans l'infinie variété de ses circonstances et de ses accidents. C'est en cette affaire qu'il est digne de toute attention, et un témoin très considérable des choses de son temps, des choses même qui ne sont plus vraies, prenons garde, et ne crions pas trop vite au romanesque. Elle l'était parfaitement à l'époque où il écrivait. Par exemple, la puissance énorme qu'il attribue à la presse, à une dizaine de condottieri de lettres faisant et ruinant les réputations, cela paraît un paradoxe de nos jours, où les journaux n'ont plus qu'une demi-influence et sont surtout une puissance financière. Mais songeons que de son temps la presse n'était pas libre, que le nombre des journaux était très restreint et que c'est précisément dans ces conditions que la presse est toute puissante, son autorité étant en raison inverse de la liberté dont elle jouit et le petit nombre des journaux rendant plus facile une entente entre eux. Voilà le réalisme chez Balzac. Une vue exacte et forte des choses, la connaissance très complète des classes moyennes de la société, l'intelligence pénétrante des conditions nouvelles dans lesquelles ces classes s'élancent et se pressent en se heurtant à l'assaut des jouissances matérielles ou seulement du droit de vivre. C'est quelque chose, et il y faut ajouter. Il a, moins souvent, l'intuition de réalité tout aussi exacte, mais plus agréable à regarder, des vertus rares et précieuses qui, sous la fumée et la poussière du combat de la vie, disparaissent un peu, mais que d'un œil sûr, il sait démêler. Ces hommes vertueux sont, le plus souvent, un peu niais, il est vrai. C'est qu'il faut savoir reconnaître qu'il en est souvent ainsi, et surtout, encore une fois, que dans la société vue dans son ensemble, ils paraissent tels, dupes apparentes dans le grand marché et le grand conflit, reprenant loin de la mêlée et dans le sanctuaire de leur conscience leurs incomparables avantages. Il n'est pas moins vrai qu'il les connaît, qu'il sait les voir et les peindre avec autant de minutieuse et savante perfection que les coquins. La baronne Hulot, sauf quelques traits où la maladresse de Balzac à peindre les choses délicates se retrouve, est d'une vérité et presque d'un charme inattendu et bien frappante. Schmucke et Pons sont peints avec amour et ineffaçables dans le souvenir tout autant que Marneffe ou la cousine Bette. Et remarquez-le, ils ne sont point si sots. C'est un grand trait de vérité que de les montrer trouvant dans l'héroïsme de leur amitié des adresses et des ruses qu'inspirent à d'autres la cupidité et l'intrigue basse. Enfin, chose plus rare encore, Balzac n'a pas été sans rencontrer ce qu'on peut se risquer à appeler la poésie du réalisme, la grandeur des humbles joies, non pas le charme mièvre et fade que tel poète contemporain essaye de jeter sur les vulgarités, mais la forte et saine saveur des travaux populaires, le rafraîchissement de l'âme qui se repose dans l'activité physique. Nous arrivâmes à l'époque des vendanges, qui sont en Touraine de véritables fêtes. La maison est pleine de monde et de provisions, les pressoirs sont constamment ouverts. Il semble que tout soit animé par ce mouvement d'ouvriers tonneliers, de charrettes chargées de filles rieuses, de gens qui, touchant des salaires meilleurs que pendant le reste de l'année, chantent à tout propos. Je regardais les geôliers couvertes de fruits rouges, de civelles et de mûrons, j'écoutais les cris des enfants, je contemplais la troupe des vendangeuses, la charrette pleine de tonneaux et les hommes chargés de hottes. Puis je me mis à cueillir des grappes, à remplir mon panier, à l'aller vider au tonneau de vendange avec une application corporelle, silencieuse et soutenue par une marche lente et mesurée, qui laissa mon âme libre. Je goûtais l'ineffable plaisir d'un travail extérieur qui voiture la vie en réglant le cours de la passion, bien près, sans ce mouvement mécanique, de tout incendier. Je sus combien ce labeur uniforme contient de sagesse. Le style n'est pas encore bien bon, mais l'inspiration est très élevée, la pensée très forte, la peinture large, et je voudrais bien, pour l'honneur de mon pays, que telle admirable page de Tolstoï sur la fenaison fût sortie de celle-ci. Du moins, c'est un mérite à chacune de rappeler l'autre. Tout cela constituait un art qui était nouveau, à sa date, tant il était ancien. Le réalisme, en 1840, était oublié depuis plus d'un siècle. Il avait été mis en honneur, sous d'autres noms, mais ce n'est pas cela qui importe, par l'école classique de 1660, dont tout l'effort après la période de littérature romanesque qui va de 1600 à 1660 avait tendu à un retour au naturel et à la vérité. Il ne faut pas perdre de vue que les vrais réalistes français sont Racine, Molière, Boileau, La Bruyère, Dancourt et Le Sage. Après eux, le goût de la vérité dans la peinture des hommes s'affaiblit. Marivaux a des parties, mais seulement des parties, de grands réalistes. Puis vient une littérature qui est ce qu'il y a de plus opposé au réalisme. La littérature à thèse, qui a toujours pour but de prouver quelque chose. Œuvre souvent admirable de hardis et puissants penseurs, de raisonneurs ingénieux et brillants, mais qui s'écarte de plus en plus de l'étude froide et calme de l'homme et s'enivre d'idées, de théories et de systèmes comme d'un vin pétillant ou trouble. Puis, après certaines déceptions, ça avait été le tour d'une littérature sans idées, mais aussi sans observation et comme sans yeux, qui se contentait d'avoir de l'esprit et une certaine dextérité dans le maniement des mots. Chateaubriand parut, les yeux s'ouvrirent, les magnificences du monde et de l'histoire se révélèrent, l'imagination française se réveilla et reçut une impulsion puissante. Une littérature d'imagination se forma qui régna 40 années en France. Le réalisme devait revenir, car c'est une loi en histoire littéraire, un peu partout, mais surtout chez nous, qu'à une grande secousse et un grand essor de l'imagination succède le besoin de reprendre terre, de ressaisir le réel, de voir moins loin mais plus clair, comme dit Musset. Un Racine était désiré, il n'est pas venu. Un La Bruyère était attendu, on n'en a eu que quelques contrefaçons un peu faibles. Une manière de Le Sage, très mêlée de bizarreries romanesques, sans esprit du reste et de peu de style, s'est présentée. Il a été accueilli avec transport malgré ses défauts. Il rouvrait une voie, il était initiateur et inventeur. Il pouvait avoir des disciples, et en effet, il en a eu de très considérables. Une période nouvelle de la littérature française commençait avec lui. On lui en a su un gré infini, on a eu raison. Il faut continuer d'en tenir le plus grand compte, et c'est pour ces causes qu'il occupe une place dans ce volume. Seulement, son réalisme, de très bon aloi souvent, était gâté par le voisinage presque constant d'imaginations étranges qui sont ce qu'il y a de moins réaliste. C'est ce que nous avons vu plus haut. De plus, considéré en lui-même, ce réalisme était quelquefois faux. C'est ce qui nous reste à voir.